Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Bonsoir tout le monde, à mon tour de plonger dans cette aventure initiée par Guy Boulian, que je remercie d'ailleurs, et j'espère qu'en ce moment ça fonctionne, parce que la semaine dernière, j'ai fait l'exercice, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, j'y vais comme si tout fonctionne. Alors, bon printemps à tous, Météo Média nous annonçait, voilà, quelques semaines, un printemps agité, le mot est faible pour le moins. J'avoue que c'est un peu difficile de parler d'autre chose que du bordel planétaire actuel. Il y a beaucoup de colère, de tristesse, de confusion. Quelque chose sans scrupules qui nous mène dans un méga cul-de-sac. Mais de toute façon, il y avait eu des sujets, des thèmes qui étaient prévus avant ce que j'appelle maintenant l'événement. Je ne sais pas comment l'appeler d'autre pour l'instant, donc je vais avec ce mot, l'événement. Mais je me présente, Mireille Fréjot. J'ai œuvré principalement dans les métiers de l'écriture, notamment comme journaliste, mais aussi beaucoup de publications, on le sait, relèvent davantage de la relation publique que du journalisme. J'ai été écrivain public, excusez-moi, c'est-à-dire que j'ai écrit quelques livres en commande pour d'autres personnes, mais j'ai aussi écrit La Belle sans la Bête, oser sortir de l'animalité féminine, qui est paru à l'automne 2016 aux éditions de Trois Pistoles, la maison d'édition de Victor Lévy-Beaulieu. Et je vous remercie d'avance de votre indulgence parce que je suis davantage confortable à l'écrit qu'à l'audio. Là, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Pour cerner mon sujet, La Belle sans la Bête, je vais simplement lire ce qui est à l'entour du livre. Alors, voici un essai hautement critique sur la société et sur l'animalité d'une partie du comportement humain, principalement l'animalité féminine. Ce livre est truffé de parallèles avec des mammifères de troupeau dont nous sommes. Je pose la question, pourquoi diable tout ce sexe partout? Qui cela sert-il? le sacro-saint féminin est-il voué à ce désir de toujours plaire à tout craint? Par lâcheté, par paresse, par intérêt? Pour jouer le jeu, il y a certes des bénéfices. Être désirable pour se sentir aimé, voilà l'agenda. De la naissance à la tombe, des concours de beauté pour fillettes à la peur du vieillissement, le programme de séduction féminin porte son lot de dérives. J'y traite d'hypersexualisation, de porno, de prostitution, d'exploitation juvénile, de la jouissance à tout prix, du culte des images, du prêt-à-porter enfant qui impose désormais tout et son contraire. Je parle autrement dit du marché du bébé, de l'adoption qui connaît des dérives extraordinaires par les temps qui courent. J'aborde également l'auréole tape à l'œil flottant au-dessus de la tête des idoles, un milieu que je connais quand même très bien. Dans ce monde qui carbure au pouvoir et au sexe, qui boum-boum de partout, il y a de quoi être assommé. Néanmoins, des pistes de solutions existent. Je vais donc orbiter autour de ces sujets. Et la sexualité, ses dérives, ben c'est sûr, c'est immensément vaste comme sujet. Cette première émission est une intro à ça. Mais je me disais qu'au fond, toutes les programmations fonctionnent sensiblement de la même façon. La sexualité comme la peur, l'autorité, tout ce qui se passe en ce moment. Et je me disais justement qu'avec tout ça, ben, ça donnait une pause à tous les suspects et ou prédateurs, pédocriminels, criminels sexuels, etc. Vous savez, ce sujet dont on parlait à tous les jours avant l'événement. Alors, je reviens toujours à ma question, puis je voulais même faire un vox pop, mais imaginez-moi ces temps-ci sur la rue avec ma petite enregistreuse et demander aux gens, poser la question, selon vous, pourquoi on est bombardé d'images sexuelles, propagande sexuelle tout le temps, partout, notre regard se pose, ce qu'on écoute, etc. J'avais mis en intro dans mon livre cette citation. Dans le monde actuel, nous investissons 5 fois plus d'argent en médicaments pour la virilité masculine et le silicone pour les seins des femmes que pour la guérison de la maladie d'Alzheimer. Dans quelques années, nous aurons des vieilles avec de gros seins, des vieux à la verdure, mais aucun d'entre eux ne se rappellera à quoi ça sert. Alors, c'était d'une source incertaine, même si plusieurs disent qu'il s'agit de M. Varela, un oncologue brésilien. Infantilisé, hypnotisé par les artifices de la télé, des médias, possédé par une élite en mode picassiette, par la propagande du sexe et de la performance, l'humain d'aujourd'hui, parasité de fantasmes de plus en plus dégradants, happé dans une décadence irréversible, même s'il se tient encore debout, semble un brin fatigué. La dégénérescence fait son chemin. Vos paupières sont lourdes, vos membres, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis, tout votre corps est engourdi, vos mains, vos bras, vos jambes, tout est engourdi, vous sombrez lentement dans le sommeil, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous endormirez. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas mesmer, loin de là, je préfère davantage l'état d'éveil. C'est juste un petit clin d'œil, d'une façon pour décrire comment moi je me sens face à la propagande. Je sens qu'on veut m'endormir, je sens qu'on veut que je ne dérange pas. Vous connaissez les rouages de la manipulation. On vous baigne dans des tas de suggestions qui s'impriment en vous et vous farfouillent jusqu'à la moelle, jusqu'aux cellules. Et même si ça pique, si ça gratte, on prend ça pour du cash. C'est normal, c'est la vie, dit-on. Ces suggestions jamais remises en question deviennent des certitudes, qui elles deviennent des croyances, d'autant plus fortes qu'elles sont continuellement censées par un racolage qu'on appelle la culture, les mass-médias fast-food, les politiques et les idées à la mode, les célébrités en vogue, la pub partout, tout le temps, bientôt dans le ciel avec le 5G probablement. Vous imaginez un ciel d'été et puis tout à coup, wow, des belles plumes en plein ciel de Coca-Cola, de McDonald's. Le bourrage de crâne au quotidien, le matraquage à peine subliminal pour qui sait observer. Et encore là, rien n'est gagné. Combien sommes-nous à taire le malaise ressenti à l'intérieur? supérieure par crainte d'être exclu du troupeau, de la norme. En bon animal, vaut mieux imiter les champions de la nature et brandir ces bonnes vieilles méthodes de camouflage. Dans la nature, la survie et une forte pression de sélection poussent les animaux à se fondre dans leur environnement en dissimulant leur forme. N'en est-il pas de même pour nous qui sommes, je vous le rappelle, un animal? Intelligent, certes, mais tout de même un animal. Et l'exclusion du troupeau est une expérience terrifiante. Regardez l'expérience sociale en ce moment. Ceux qui ne se fondent pas dans le troupeau, dans la pensée-réaction collective, sont menacés en quelque sorte. J'ai vu d'ailleurs, comme vous tous, sur les réseaux sociaux, toutes sortes d'histoires. Et une dame d'un petit village se plaint de la présence de deux enfants qui étaient sur un petit chemin de campagne, un petit chemin que je connais bien, pour y avoir habité. Puis là, ben, elle dit « Rentrez chez vous ou jouez dans votre cour », tout ça, tu sais. Puis ça, c'est un petit chemin de campagne où une grosse journée, là, il passe quatre personnes dessus, tu sais. Et ceux qui ne pensaient pas comme elle, ceux qui ne l'encensaient pas, mais se faisaient ramasser. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai lu tantôt aussi une dame de l'Estrie où je suis, qui disait dans le bon sens, si moi je veux sortir dehors, puis de toute façon, si je veux tomber malade, je trouve ça préférable à mourir comme ça, toute seule, chez moi, soumise et impuissante. En tout cas, c'est très intéressant, ça va loin, tout ça. Alors, on n'est pas loin du moment où, très certainement, il doit y avoir une ligne de délation, c'est déjà fait, je crois, d'ailleurs. Et la soumission pavlovienne à laquelle on assiste est délirante. Je vais enchaîner avec une jolie pièce d'Aela Nereo qui s'appelle Star. Across valleys folding, across waters frozen, across the time between the dawn and your setting sun. These are stories blowing, these words tend to showing. How can I touch the shape of wing bandings falling away? Oh, tongue set you free, and oh, mind let it be. Oh, land, teach me how to lay in the storming wind. Across hearts aching, across skies breaking, across the town between our suns. I'm lost in your stars, by the light of the dark moon. Just be as you are, just do as you do. Oh, Lost in the Stars, on est tous un petit peu perdus dans l'espace en ce moment. Surtout quand on veut s'individualiser, s'extirper de toutes les programmations que l'on porte depuis sa naissance. On vit dans un règne de permanente provocation érotique, tatouée partout où on pose notre regard, vantant la chute des interdits et les tabous, sous prétexte d'atteindre une plus-value du plaisir. Plus, toujours plus, c'est le culte des images et des sensations choc. On nous vend l'idée que pour être bien dans sa peau, il faut rehausser son sex appeal, l'originalité et la fréquence de ses rapports, tout essayer, tout oser. L'échangisme, l'usage des gadgets, la porno, les expériences extrêmes, la pharmacologie pour bander, mouiller jusqu'à la tombe, etc. Le monde est devenu un immense sex shop qui prétend qu'il faut connaître son corps à fond pour en tirer le maximum de jouissance. L'addiction sexuelle, ça a toujours existé chez plusieurs jeunes gars, jeunes hommes, mais voilà qu'elle s'installe aussi chez les jeunes filles et les jeunes femmes. Alors, ça va s'ajouter la sexualité compulsive aux troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Et la mutilation aussi. Assujetti à une médiocrité voulue et décriée par une habite élite opportuniste, comme des pions, on suit le courant. Du pain et des jeux, célèbres expressions pour décrire l'endormissement du peuple par le divertissement, plus que jamais, c'est actuel. Plus que jamais, nous sommes le bétail des dieux. Des siècles d'histoire, de recherche et d'évolution pour en arriver là, notre monde tire à la remorque de vieux mythes et mécanismes qui ont fondé sa flamboyance d'or et déjà périmée, dépassée, finie. Au fond, nous sommes une vieille espèce fatiguée, esquintée, qui roule sur sa réserve. Exactement comme une femme qui vieillit, qui persiste à camoufler ses rides et à remonter les plis du temps. Cela dit, je ne suis pas une donneuse de leçons. Selon moi, ce n'est pas tant de dire que ceci est bien ou ceci est mal, c'est tout simplement animal. Et ma propre histoire est ma source d'inspiration. Je tente d'observer toutes les dérives dans lesquelles on baigne avec le moins de jugement possible. Au contraire, avec une dose de compassion tant pour les hommes que pour les femmes. La guerre du masculin et féminin est sans doute l'une des guerres originelles et une guerre à finir. Nous vivons à une ère de procès où forcément ça prend une victime, un coupable et un sauveur. Beaucoup de procès qui devraient avoir lieu n'ont pas lieu et beaucoup d'autres qui ont lieu sont fort discutables. C'est tout simplement une invitation à regarder ça avec un pas de côté de plus haut et enfin ça, sortir des patterns limitatifs. Et cesser de dire « c'est comme ça, c'est la vie ». Approfondir et élargir la réflexion sur l'animalité humaine déchirée entre ses fantasmes de surpuissance et ses immenses fragilités. Je pense qu'en ce moment, on y est en plein dedans. Hein. On nous a gavé d'images tellement extraordinaires et surpuissantes de l'humain. Mais on voit en ce moment comment il peut être facile à briser ou à plier, à faire plier. À propos de notre dimension animale, de grand singe pensant, dans les années 1970, Béatrice et Alan Garner, un couple de chercheurs américains, présentèrent à Washoe, leur chimpanzé, qui avait appris le langage des signes, une pile de photos affichant différents animaux ainsi que des êtres humains. La jeune chimpanzé, très appliquée, décoda leur demande et répondit en langage de son muet. Alors eux autres lui demandent « S'il te plaît, Washoe, montre-nous les photos qui représentent des hommes. » Sans hésitation, elle tendit au Garner en vrac les clichés des hommes et des chimpanzés. Délibérément, elle venait de faire sauter la mince frontière entre le singe et l'homme. Nous partageons avec lui, ce proche parent, 98, certains avancent même 99% de notre génétique. Durant la saison des amours, la majorité des autres mammifères, chez la majorité des autres mammifères, le sperme du mâle est l'unique contribution à sa progéniture. Lorsque la femelle est tout juste fécondée, le mâle repart vers une autre plus réceptive. La plupart des femelles des autres espèces de mammifères vivant en troupeau, comme nous, disposent de moyens bien précis pour signaler leur brève phase de fécondation. La bordure du vagin qui tourne rouge écarlate, entre parenthèses que nous humaines reproduisons avec nos rouges à lèvres, sans doute, l'émission d'odeurs émoustillantes, des sons engageants et des postures sans équivoque. À la différence de nous, hors de leur fertilité, elles n'attirent pas les mâles. Peu ou pas les érables, en l'absence des signaux stimulateurs, en règle générale, elles les repoussent. D'autres, comme les bouleneaux ou les dauphins, semblent apprécier le plaisir pour le plaisir. De fait, la plupart des animaux ne baissent pas tout le temps. Chez les mâles, la production de sperme est coûteuse en énergie vitale et en précieux nutriments, ce qui approuvit son corps. Le temps investi en rapport sexuel aurait pu être consacré à la recherche de nourriture. Un couple en action risque d'être tué par un ennemi. Les individus plus âgés succombent parfois à l'effort du coït et les combats entre mâles entraînent souvent de graves blessures. Chez l'humain, l'ovulation est dissimulée, difficile à détecter pour le mâle, et la réceptivité sexuelle d'une femme se prolonge bien au-delà de la ménopause. Aussi, on assiste de plus en plus à une proportion croissante de femmes plus âgées qui veulent procréer. Bien d'autres facteurs expliquent ce besoin viscéral d'être désiré le plus longtemps possible. Tout comme nous, les chimpanzés savent négocier. Ceux qui partagent leur nourriture avec les femelles ont deux fois plus de chances de copuler. Chez l'humain aussi, ceux qui ramenaient beaucoup de nourriture avaient davantage de femelles et d'enfants. La perpétuation de toutes les espèces, la nôtre comprise, est basée sur les relations de pouvoir et la compétition. Animaux et humains, c'est le même combat. Et dans les deux camps, les plus forts gagnent. Les magnifiques dos argentés des gorilles dominants ne rappellent-ils pas la teinte gris-argent des voitures luxueuses ou les séduisantes tempes grisonnantes d'un homme de pouvoir, alors que chez la femme, le cheveu gris ne renvoie pas du tout aux mêmes images? Je vais aller avec une autre petite pause musicale qui s'appelle « C'est la vie » de Derek Klegg. Child of detail. C'est la vie. Les besoins socio-affectifs des singes sont très semblables aux nôtres, comme l'attachement. Bella, une femelle macaque d'un zoo, a défié les barrières électrifiées délimitant son enclos pour aller retrouver son compagnon, le mâle dominant, qui avait été déplacé dans un autre espace en vue de l'arrivée d'un nouveau mâle. Bella a réussi à court-circuiter les deux barrières électrifiées avec un bâton pour le rejoindre. Les mères chimpanzés vivent d'étroites relations avec leurs petits et peuvent leur prodiguer des soins jusqu'à l'âge de 6 ans. Si leur bébé décède, il arrive aux mères de conserver leur corps sans vie pendant des jours, parfois des semaines. Les chercheurs ont documenté un processus de deuil chez une mère dont le nourrisson de 16 mois a perdu la vie. Cette femelle d'un parc au Zambie a continué de le porter durant 24 heures. La scène est touchante. Elle s'éloigne et revient près de lui. Concentrée, elle le touche, le palpe. Elle ne crie pas comme une maman humaine, bien sûr, mais son silence est encore plus intense. Avec sa main, elle lui touche le visage comme pour s'assurer qu'il est bien mort. Par la suite, elle va chercher d'autres individus de son groupe, visiblement pour avoir un deuxième avis. Ce n'est que le lendemain qu'elle abandonne définitivement le corps de son enfant. Ça ressemble bigrement à une mère de notre espèce qui vit un deuil périnatal. Anxiété, colère, impuissance, tristesse, haine envers leur corps qui n'a pas livré la marchandise. Et toujours cette sacro-sainte culpabilité sont les sentiments que peuvent éprouver les mères humaines. Au pays, les statistiques révèlent qu'une grossesse sur 5 se termine par une fausse couche avant la 20e semaine. On parle d'environ 22 000 femmes qui, le ventre vidé, font le deuil d'une partie d'elles-mêmes et d'un rêve d'avenir. Et surtout, d'une puissante programmation, on le verra plus tard. La maman chimpanzé ne mentalise pas son processus de perte et ne crée pas d'association ni de groupe d'entraide, pas plus que de cérémonies commémoratives pour traverser son affliction. Toutefois, munie du même programme de procréation, elle est tout aussi incrédule et perplexe lorsqu'elle se voit dépouillée de son rôle. C'est intense, douloureux. Par contre, sa profonde résilience animale et son absence de mental sophistiqué lui font gagner du temps. Je reparlerai de la maternité, ce que j'appelle cette drogue dure pour les femmes. Des chercheurs ont décrit les preuves que dans la nature, les jeunes chimpanzés s'amusent différemment selon leur sexe, tout comme les enfants humains. Bien que chacun des jeunes chimpanzés, mâles et femelles, joue avec des bâtons, les femelles manipulent ceux-ci comme une mère s'occuperait de son enfant. Elles transportent leurs bouts de bois jusqu'à leur nid et les bichonnent comme s'il s'agissait d'un bébé. Puis, lorsqu'elles ont de vrais petits, elles les délaissent, à la différence des mâles. Du côté des singes captifs, on observe aussi une influence biologique sur le choix des jouets. Les femelles orbitent autour des poupées, alors que les mâles se tournent vers les jouets de garçons comme l'incontournable camion. Voilà encore les programmes biologiques que nos deux espèces partagent. La collaboration. Parce que les chimpanzés expérimentent aussi le partage. Des chercheurs ont exploré les performances des chimpanzés lors d'un test appelé le jeu de l'ultimatum. Inutile d'expliquer toute la démarche, car on connaît le principe de l'équité, du moins on devrait. Si un joueur fait une proposition égoïste avec une offre inégale, l'autre joueur peut refuser. Habituellement, lors de ces tests, les humains se font des offres à peu près égales, étant à refuser les offres jugées inéquitables ou injustes. Des chercheurs ont entraîné des participants chimpanzés à des exercices similaires, et les résultats révèlent qu'ils ont tendance à offrir une part juste et équitable dans leurs transactions. Le chimpanzé et l'humain sont tous les deux coopératifs. Ils forment consciemment des équipes, peuvent déterminer ce que d'autres individus ont à l'esprit, partagent des outils ainsi que la nourriture et se soucient de leur progéniture. Ceci dit, bien sûr, qu'il y a aussi la bagarre, ça fait partie de la perpétuation des espèces. La main humaine est une incomparable manifestation d'évolution. Constituée de 27 os, elle est l'outil anatomique parmi les plus habiles du règne animal, capable de battre, de pincer, de saisir, d'attraper ou d'enfiler une aiguille. La main a peu d'attributs physiques pouvant rivaliser avec elle. Et surtout, elle peut serrer le poing. On a beaucoup développé sur le pouce, mais beaucoup moins sur le poing fermé. Contrairement aux chimpanzés dont les longs doigts et le gros pouce, une fois fermés, forment un ovale, l'être humain peut transformer son bras et sa main à la manière d'un bâton qui se termine par un nœud, comme une massue. voilà un bel instrument possédé au cours d'une rencontre violente. On a demandé à des cobayes humains mâles, chacun expérimenté dans la boxe ou les arts martiaux, de participer à une série de tests physiques avec la paume ouverte ou avec le poing fermé. Ce dernier augmente considérablement la puissance de frappe. Universellement reconnu comme un signe d'agressivité, le poing serré est utilisé dans tous les styles de lutte. Même les bébés appliquent la position du poing fermé pour transmettre leur détresse et leurs angoisses. Mon fils, né depuis quelques heures à peine, gardait déjà les deux petits poings bien serrés. Ça m'avait fait rigoler car en guise de cadeau pour son arrivée sur Terre, je lui avais offert une paire de grandes boxes. Bienvenue, petit bout d'homme, et apprends vite à te défendre. Ça joue dur sur la planète des singes. Plus que toute autre partie de notre corps, la main est la signature de notre espèce. Elle peut blesser, tuer, torturer, réaliser une œuvre artistique ou jouer d'un instrument de musique. Il n'empêche, outre cette main, notre mental élaboré, les comportements traditionnels du chimpanzé et de l'humain sont intimement liés. Thomas, alias CH411. Voilà quelques années, j'ai eu le bonheur de rencontrer un chimpanzé rescapé des labos. Alors, je vais vous lire des extraits de l'article que j'avais écrit sur ce sujet. Je m'interrogeais. Qu'allais-je ressentir en plongeant mon regard dans celui d'un si proche parent qui, durant 30 ans de sa vie, a servi de cobaye dans les laboratoires de recherche biomédicale? Un être vivant dont l'existence s'est résumée tout ce temps à la terreur, à l'anxiété et à l'ennui. C'est à fleur de peau que je me suis dirigée vers le sanctuaire des chimpanzés de la Fondation Fauna, qui recueille quelques-uns de ces grands singes pour leur offrir une retraite décente. Plus précisément, j'allais à la rencontre de Tom, un parmi le milliard d'animaux qui, chaque année, se voit infliger dans les laboratoires du monde des expériences toujours cruelles et douloureuses, et qui, malgré leur recrudescence, font dire à plus d'un qu'elles sont totalement inutiles. Des solutions de rechange étaient désormais disponibles en matière de recherche. On ignore la date exacte de la naissance de Tom. Il aurait vu le jour dans les années 60, ce qui lui donne environ 43 ans. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il a été capturé, arraché à sa mère et à son milieu naturel, son Afrique natale, à la suite de quoi il a été amené dans un laboratoire américain. Bien que depuis 1984, la capture des jeunes chimpanzés soit illégale, elle est toujours monnaie courante, et ce même s'ils sont menacés de disparition. D'abord cobaye au laboratoire biomédical Buckshire Corporation en 1982, Tom a été transféré vers l'âge de 15 ans dans un autre labo, le LEMCIP. Au cours des 15 années suivantes, le numéro CH411 a été anesthésié 369 fois, a subi à l'emporte-pièce 50 biopsies hépatiques, une biopsie hépatique ouverte, 3 biopsies des ganglions lymphatiques et 3 ondes de la moelle épinière. En 1984, on lui a inoculé le VIH. Le reste du temps, ce donneur d'organes et de sang a principalement été exploité dans le cadre des recherches sur les vaccins. Cet imposant chimpanzé de 91 kg, véritable force de la nature, est de loin le plus puissant de la Fondation. En comparaison avec la force humaine, on estime que la leur est de 4 fois à 6 fois supérieure à la nôtre. Malgré sa misérable existence, Tom était un combattant. Parce qu'il refusait de coopérer, simplement pour le déplacer d'une cage à l'autre, il fallait l'anesthésier à la nénuphars. Voilà qui illustre sa vigoureuse résistance malgré les parasites intestinaux qui l'importunaient constamment, les fortes diarrhées et son manque d'appétit qui le vidaient d'une grande partie de ses forces. Parce qu'il se cambrait, le matricule CH411 était considéré comme un mauvais sujet, un piètre cobaye, ce qui ne l'a pas empêché de subir d'atroces traitements échelonnés sur plus de 3 décennies. Cela dit, malgré sa nature offensive, Tom a souvent baissé les bras. Rien n'est plus triste que d'être témoin de cette frustration et de sentir par moments la résignation dans leur voix, affirme Gloria Grow, la fondatrice de Fauna. Quand Tom retrouvait un peu de ses forces, il donnait constamment des coups sur sa cage, en vain, rien pour émouvoir les blouses blanches. Alors que le territoire des chimpanzés en liberté varie de 10 à 24 km², Tom était confiné dans une case exiguë. Au cours d'une seule journée, un groupe de chimpanzés en liberté peut se déplacer sur une distance de 10 km. Et leur espace vertical est essentiel. Ils peuvent grimper et faire leur nid à plus de 10 mètres du sol. Celui de Tom, toujours privé de la lumière du jour, se résumait à un vieux pneu. Et ce grimpeur parmi les plus doués de la planète ne pouvait même pas s'étirer les bras. En 1997, Tom devait aller à la Colston Foundation, un laboratoire de recherche au Nouveau-Mexique. S'il y avait été, il aurait été utilisé en toxicologie. Autrement dit, on lui aurait administré des drogues, des produits chimiques toxiques pour effectuer des tests jusqu'à ce qu'il en meure. Au lieu de cette triste fin, il est arrivé au sanctuaire. Il a eu cette chance. Sa deuxième vie. Les chimpanzés ne se remettent jamais vraiment de toutes ces années de privation, de solitude, d'expérimentation souffrante, de stress et de négligence. Tom ne fait pas exception à la règle. Comme il a été beaucoup intubé et subi de multiples trachéotomies, tous les matins, il se réveille en crachant comme s'il voulait extirper des tubes de son gosier endolori. Les effets secondaires les plus courants sont l'état de stress post-traumatique, l'automutilation, des comportements antisociaux et des maladies chroniques. Durant ses trois premières années à la Fondation, il a vécu surtout en solo, incapable de créer des liens avec ses congénères. En revanche, il a eu le coup de foudre pour un humain. Surprenant. À l'occasion, Tom est furieux et ne veut voir personne sauf Pat. Celui-ci, un ami du sanctuaire, est une véritable âme sœur pour Tom. Peu à peu, à force d'être bien traité, après les premières années, Tom est devenu un bon bougre. Il fait maintenant partie de l'un des trois clans et il adore taquiner et chatouiller ses compagnons. Un autre de ses grands plaisirs est de jouer avec le boyau d'arrosage. Sa chambre est nickel. Tom est pointilleux en matière de propreté. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est prendre une tasse de thé et manger des biscuits en compagnie de son ami Pat. Tom a une incroyable bouille constellée de taches de rousseur et de poils blancs qui lui donnent l'allure d'un vieux sage. On peut lire dans ses yeux toute la souffrance muette dont il a été victime. Dorénavant, il peut circuler librement dans un labyrinthe brillamment conçu et aller à l'extérieur sur l'un des trois îlots quand ça lui plaît. Il jubile au contact de l'herbe. La laitue, les mangues, les raisins, le gruau avec la compote de pommes qu'il adore, les biscuits, les jus de fruits, les smoothies au lait de soya à volonté ont remplacé la nourriture fade et routinière des labos. Tom est aussi devenu l'un des artistes les plus prolifiques du sanctuaire. Au début, lorsqu'on lui présentait la palette de couleurs, il ne voulait que la noire. On ne savait pas trop pourquoi, jusqu'au moment où on l'a vu se peindre le dessous des pieds en noir. À force d'avoir donné des coups de pied sur les barreaux des cages, d'avoir enduré un éventail de blessures aux mains ou aux pieds, ceux-ci couverts de cicatrices affichent une peau usée, sensible et rosée. À l'aide de la gouache noire, Tom a l'impression de leur redonner un peu leur aspect naturel. Au sanctuaire des chimpanzés, la frontière entre l'humanité et l'animalité n'existe plus. Tom, alias le numéro CH411, est traité avec respect par des passionnés de la vie qui lui parlent doucement, lui imposant le moins de stress possible. Après ces atrocités scientifiques, Tom vit une retraite dorée. Ah, j'ai rédigé ça, moi, parce que j'ai passé du temps avec lui et en pleurant chaud de larmes. L'expérimentation, la torture, ce sont des thèmes qui me bouleversent énormément. Tom est décédé depuis. Toutefois, il y a eu, il a expiré dans la dignité, entouré de gens qui l'aimaient. Et ces tortures de labo n'ont plus leur raison d'être. Des études cliniques réalisées sur des groupes de patients, les études sur les cadavres, les stimulations sur ordinateur sont plus rapides, plus fiables, infiniment moins cruelles et moins chères que les tests sur les animaux. Une société qui teste ses médicaments en s'appuyant uniquement sur des tissus humains et sur l'informatique à questionner, dès lors que l'on dispose d'informations sur les gènes de l'homme, quel est l'intérêt de revenir au modèle animal? Les destinations vers l'enfer, vers le labo d'expérimentation, sont une horreur sans nom. Tout comme l'industrie des cosmétiques qui exploite à fond la vie de misérables animaux séquestrés et torturés dans les labos, notamment par la vivisection, pour que madame se sente belle. C'est facile de lire les étiquettes pourtant et de lire celles où sont citées sans cruauté animale. Et que dire de tous ces animaux mutilés pour rehausser les performances sexuelles de monsieur? Les testicules de tigre, pénis de yak, etc. sont consommés régulièrement en Asie. Entre autres produits, la soupe d'aileron de requin y est consommée depuis des lustres pour lutter contre le vieillissement, en plus d'agir comme un puissant aphrodisiaque. Et en Corée du Sud, on consomme allègrement du chien, qui d'ailleurs sont souvent torturés avant d'être mangés parce que leur viande ainsi surchargée d'adrénaline serait davantage aphrodisiaque. Bref, des tas d'animaux massacrés pour que nous, on se mette plein de produits pour que les messieurs bandent et tout ça. Je vais mettre une petite pause, une chanson de Hello Kurt et sa pièce s'intitule L'ADN des derniers. Mais c'est vraiment un très très beau texte. Vaisseau sans amiral, vogue sur des eaux sales, très loin sous nos pieds, grondent les fonds inexplorés. Nous sommes une bande, traversons les sangs. Magnifique et un petit peu de circonstances, mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et ça aussi, c'est un truc important pour moi. La confiance en l'individu, ouais, qui s'individualise, qui se sent pas, qui est capable d'affronter sa terreur de l'exclusion du troupeau pour évoluer. Ouais, c'est ça, j'ai confiance en ça et je rencontre, genre, depuis 15 ans, 10-15 ans, je rencontre de plus en plus d'individus qui ont ça à cœur. Moi, je vais terminer ici comme mon volet d'intro sur la belle sans la bête, qui était où je voulais vraiment parler de la grande alliance entre les grands singes et l'être humain. Plus tard, dans d'autres histoires où je montre des parallèles avec d'autres types de mammifères, mais c'est pour montrer à quel point les programmes sont pas mal les mêmes. Puis ce que j'ai fait, puis ce que j'ai peut-être l'intention de faire, mais c'est de grappiller des nouvelles en lien avec l'événement qu'on vit en ce moment, puis d'aller un petit peu de ce côté-là aussi, pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, mais c'est ça, il y a une industrie justement qui ne connaît pas de difficultés, et c'est toutes les ventes des sex shops, sex toys. Alors, c'est ce qu'a annoncé la marque Womanizer, un gros sex shop qui a dévoilé des résultats exceptionnels, une hausse des ventes de plus de 50% par rapport aux prévisions qu'elles avaient pour 2020. Alors, d'après les données communiquées par l'entreprise, la hausse des ventes de cette marque coïncide avec les grands foyers de propagation du nouveau coronavirus. En Italie, les ventes depuis janvier sont supérieures de 60% aux prévisions. Une hausse de 75% s'observe également aux États-Unis, contre une de 40% en France par rapport aux prévisions. De son côté, le géant de la pornographie Pornhub a annoncé offrir un accès premium gratuit à tous les Italiens jusqu'à la fin du confinement du pays, fixé au 3 avril. Mais là, eux autres, là, je ne sais plus s'ils avaient rallongé la période, pour les aider à leur façon à tuer l'ennui et les fidéliser par la même occasion. Ça venait du magazine Santé. Bien certainement, ça peut diminuer le stress, mais ça ne va pas certainement pas élever l'intelligence. Et pourtant, on a bien besoin de cet état d'éveil dont je parlais en intro. Urbania avait un texte sur les travailleuses du sexe et la COVID-19, encore plus vulnérables, était le titre. Alors, les agences d'escorte ferment les unes après les autres, et les indépendantes annoncent sur les réseaux sociaux leur isolement. Alors, une telle a généreusement fait une série de vidéos diffusées sur Twitter dans lesquelles elle explique aux travailleurs du sexe comment offrir des services en ligne. Elle aussi, elle tente de s'organiser. Une autre raconte qu'un homme lui a proposé 100$ pour un French kiss avec elle. Il est allé jusqu'à affirmer qu'il n'avait pas le coronavirus, utilisant le même genre d'argument que les hommes qui veulent baiser avec des escortes sans condom, clamant qu'ils n'ont pas le chlamydia, etc. Et l'organisme Stella, qui vient en aide aux travailleurs du sexe à Montréal, reconnaît avoir besoin d'eau de javel, de lingette Nisol, et pour bébé, ainsi que de tout type de désinfectant, afin d'en distribuer aux personnes qui en ont besoin. Pour différentes raisons, plusieurs travailleuses à contact intime continuent de travailler. Pour différentes raisons, ben oui, pour la survie. Toutes les cellules, tout le vivant n'est là que pour ça, que pour survivre. Et je crois pas que j'ai pas rien vu, en tout cas, sur les travailleuses du sexe, au niveau du soutien d'urgence des différents paliers de gouvernement. Et ça, j'ai trouvé ça très spécial dans Science à venir, daté du 24 mars. Avec la progression de la pandémie liée au COVID-19, une donnée devient de plus en plus évidente. Mais ça, j'ai pas rien vu d'autre là, sortir là-dessus. Le virus affecterait plus les hommes que les femmes. Cela a été observé en Chine, et c'est également le cas dans les pays d'Europe les plus touchés, l'Italie. 60% des cas de la maladie COVID sont des hommes, ces derniers constituant près de 70% des patients décédés, selon l'Agence nationale de santé publique, dont le document est traduit, là, il était en italien. Alors, à quoi ça tiendrait si c'est le cas? Alors, selon Jean-Charles Guéry, responsable de l'équipe de recherche INSERM, différences liées au sexe dans l'immunité. Plusieurs éléments pour expliquer ce biais par les différents sexes. Certains sont liés au mode de vie. Par exemple, en Chine, les hommes fument plus que les femmes et ont aussi un taux plus élevé de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. D'autres facteurs d'ordre biologique, les femmes développant des réponses immunitaires de plus forte amplitude et de meilleure qualité que les hommes en réponse à des infections virales ou aux vaccins. Il y a peut-être un autre facteur pour expliquer cela. En tout cas, comme je vous dis, j'en prends et j'en laisse vraiment de ça là. Puis par rapport, c'est ça, j'ai mis la petite vidéo, c'est un illustrateur qui disait ça aussi, peut-être en hypothèse, parce que bon, on parle beaucoup de décès des personnes plus âgées, tout ça, mais c'est des personnes, il faut se rappeler, qui sont vaccinées hein, contre la grippe régulière là, chaque année avec ses petits changements qu'elle a d'année en année dans sa mode, etc. Tu sais, donc, voilà, je trouvais ça intéressant. À CNews, le 27 mars, l'entreprise Carex, basée en Malaisie et qui produit 1/5 des préservatifs dans le monde, a été contrainte de fermer ses portes à cause de la pandémie de coronavirus. De quoi donner des sueurs froides à ses dirigeants qui craignent une pénurie. Nous allons assister à une pénurie de préservatifs dans le monde. C'est qui risque d'être très effrayant, a déclaré l'un de ses dirigeants. Il se dit très inquiet pour ses programmes humanitaires en Afrique, notamment. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur une citation de Saprem, un auteur que j'aime beaucoup. « Du jour où tu regardes avec des yeux vrais, il n'est pas une seule chose au monde qui ne soit pleine de sens et n'apporte son message. Pas une. C'est comme si tout se liguait pour nous obliger à comprendre. » Fin de la citation. Je pense que oui, c'est bien important en ce moment d'avoir des yeux vrais puis de regarder profondément tout ce qui se passe. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous, d'avoir les yeux bien ouverts. On dirait qu'avec les lois liberticides et certaines tendances, on va avoir soit deux choix, soit celui d'être robotisé ou celui d'être éliminé. c'est pas très joyeux, mais il en existe d'autres parce que je reviens à mon humain, mon individu qui est plein de créativité et plein de puissance quand il se branche vraiment sur ça au lieu de se faire manger par le collectif. Alors, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. N'oubliez pas de prendre des bouffes d'air dans ce climat de psychose mondiale et justement de vous connecter à votre puissance individuelle et de croiser d'autres qui vont bonifier cette puissance qui est là et qui est à l'œuvre. Voilà, merci beaucoup. We'll be right back. Sélectionnez et... Écoutez une web radio. Trouvez les sites internet des radios de sa région. Parcourir les archives radiophoniques ou écouter un podcast. Et un podcast. L'annuaire de la radio vous propose des milliers de liens en ligne sur le web. Trouvez une société de production sonore ou une voix off comme nous. Yeah. Se procurer du matériel ou des logiciels pro. Des logiciels pro. Parcourir les offres d'emploi dans les métiers de la radio. L'annuaire de la radio a sélectionné tous les sites web utiles et indispensables aux pros de la radio. Depuis 1998, l'annuaire de la radio est au service des auditeurs, des passionnés ou des pros de la radio. Annuaire de la radio. http://www.annuairedelaradio.com. Vous cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain ? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dédicaces.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.